2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Boum boum. Musique française, musique francophone, comment ça va Jonas? Ça va super bien et toi Vincent? Ça va, je m'en remets trop pas de ce nouvel indicatif. C'est vrai, il est toujours aussi catchy, j'aime beaucoup. On va parler de nouvel indicatif, jusqu'à à peu près 2026, je pense tellement le kiff. Oui, il faudrait qu'on arrête d'en parler. Serge Gainsbourg qui reprend Edith Piaf, mon légionnaire, incroyable. Ouais. On a, je sais même plus si c'est un membre de l'équipe ou un invité, tellement on le voit souvent. Donc bah, il va nous repréciser son statut. Comment ça va, Masto, aka Dimitri Sélectif? Je suis invité encore, je connais pas le code du DJ en bas. Ben, on va te le filer, tu vas payer ta cotise à prune, et puis tu feras partie de l'équipe. Ça fait 3 fois que tu viens en 1 an. Tout à fait. Collectif Gritz, cette semaine Nantes aussi, c'est à toi qu'on doit l'agenda, t'es plus tout seul maintenant, vous êtes 2 ou 3 à faire ça? On est 2 et demi, ouais, c'est ça. Mortel, donc voilà, collectif Gritz, la page Facebook cette semaine Nantes, l'agenda des musiques électroniques, et puis tu joues sous plusieurs blasts, plutôt techno sous ton blast Masto, plutôt Italo-Disco, New Beat et autres débileries Euro House sous ton blast Dimitri Sélectif. C'est ça, mais en ce moment je suis beaucoup plus actif avec Dimitri Sélectif. C'est vrai? Ouais. Mais Masto, il est en soum-soum, il dort, mais je prépare d'autres trucs, t'inquiète. 150 BPM, bam, bam, bam, ça va pas tarder. Je suis plus à 170 que 180. Ah oui, l'enfer. Qu'on se mette bien d'accord, c'est Dimitri Sélectif que j'ai invité, pas Masto. Tout à fait, je vais pas te faire de mauvaises surprises et balancer la Tribecore. Parfait. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai invité Dimitri Sélectif, c'est 44 Tours qui a invité Dimitri Sélectif. On va partager les platines pour un B2B de haut vol vendredi soir dans ce bar et disquaire trop chouette de l'île de Nantes. Il y a un DJ Boost de ouf qui est tout neuf en plus. Il y a un public qui vient écouter de la musique. Il y a des patrons et des employés qui sont vraiment trop cool. Il y a une carte de qualité. On adore 44 Tours, on les cite pas assez. Et on a la chance de jouer tous les deux. Grave. Et on a la chance de jouer Dimitri. Je t'appelle Dimitri Thomas, c'est ton vrai prénom, mais Dimitri, ça te va hyper bien aussi. Quel blast incroyable, Dimitri Sélectif. C'est un concours de blast débile entre toi et moi. C'est vrai que le tien est pas mal aussi. Ouais, magnifique. Et ce sera un concours de disques débiles vendredi soir. On va jouer New Beat, on va jouer Euro House, on va jouer Italo. Tu vas jouer plus rapide que moi, mais je vais essayer de te suivre. Ouais, mais ça va se répondre justement, ça va être intéressant de voir qui a le disque le plus con. Et je pense qu'on est tous les deux capables de surprendre l'autre. On a bossé, on est ensemble depuis 19h, on a écouté plein de trucs chez moi. Ça va être trop bien, je pense, vendredi. Faut absolument venir. 44 Tours, on sera là dès 20h. Ce soir, du coup, on partage les platines déjà. Oui. En vrai, moi, j'ai déjà joué la semaine dernière, donc je vais jouer 1 ou 2 disques. On va papoter un petit peu, mais c'est surtout toi, Dimitri, qui va passer derrière la platine. Je joue le premier. Jonas, Bah oui. Tu peux nous l'envoyer. Et puis derrière, c'est un truc un peu lent. Hein. Je crois qu'on est à moins de 100 BPM. Tu vois, je voulais te calmer un peu, pas que tu commences. Normalement, c'est fois 2. Tu dois croire que c'est joué à la mauvaise vitesse quand c'est à 100 BPM. Tu vas le mettre en 45 tours juste derrière. C'est du screw. C'est un morceau qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je voulais avoir la pochette avec moi, j'ai oublié. La tracklist sera dès demain. Wiggle. Sur le site de Prune. Wiggle. Viens dormir avec moi. Everything on the team. belle et les minuit, je sais que tu t'ennuies sur la toile de l'écran de ton lit. Allô Isabelle, belle comme un jardin secret, bien faut s'éclater à l'heure qu'il est. Tu t'amuser en musique, m'imager le magique, faut toujours s'étonner, s'étonner. Allô Isabelle, ah, c'est Gilbert qui t'appelle, il est minuit et c'est l'heure du soleil. Jean et saute sur ton chopper. Allô Nastasia, à toi la fille venue du froid. Viens danser, te chauffer à ma voix. Quand le rythme est d'enfer, y'a pas grand chose à faire. Je parie que tu pars au paradis. Nastasia, oui c'est Gilbert, toi l'enfant du mystère. Viens faire un toucher les branchés de la terre. On est tous des enfants du rap, des enfants du swing et du squat. Oh ma jolie Cléo, faut descendre de ta toile et venir t'ajouter à nos étoiles. Cléo, tu es mon cadeau, mon gâteau, mon château, mon bon fruit d'Italie, j'en oublie. Allô, allô, ma Cléo, ici c'est Gilberto. En piano, c'est autre chose que Belmondo, non? C'est un vite à la croisière du bonheur. Allô Catherine, in, le club où on t'adore. Y'a du smurf et du rock à bâbord. Ça danse en tango, ça bouge sans bouclier. C'est tendre et c'est joli sans slow. Tu vas débarquer, on va t'embarquer sur le clavier de la liberté. Did it. américain a déclaré aujourd'hui que plus de 700 ennemis ont été tués la semaine dernière le long de la zone frontière. Dans l'ensemble du Sud-Vietnam, l'ennemi a perdu au total 2689 soldats. Swing it back, get up now, girl, and make a cha-cha-cha. You can do it, to do it, to do it, to do it. Well, you know that if we do it, we can make it rap. You got the rhythm to make it cha. I can't believe that we were dancing all through the night. So let's do it, to do it, to do it right. You know that we can make it till we're out of sight. Cause you can do it, to do it, to do it right. I can't believe that we were dancing all through the night. Keep on partying till the broad daylight. We're gonna keep partying till we're out of sight. Danser ce soir. Viens-tu danser? Waouh, boum boumo, Jonas au taquet, Jonas au platine. Non, Dimitri Sélectif au platine. Quand ça scratch et que c'est mixé à la perfection, c'est que c'est pas moi, en général. Allez. Non, mais les petits scratchs, moi, jamais je fais ça. Et puis, boum, les petits mix aux petits oignons. Ouais, bien c'était joué, pas très clean, mais... Bon, non, à peine. Parce que je suis exigeant avec moi-même. Tu sais voilà que ça tout. Buzz à fond, cet événement. Je viens de voir qu'il y avait pas moins de 70 personnes 70, sur l'événement. Mais où est-ce qu'on va les mettre, Medium à 44 tours et mes jockeys, Dimitri Sélectif, vendredi soir à partir de 20h. Ça va être incroyable. À mon avis, c'est en partie à cause du mix incroyable que tu es en train de faire et aussi parce que tu as fait de l'autopromo sur 7 semaines. Tout à fait, ouais. Parlons-en de ce petit agenda. Je me prive pas. Bah oui, parce que en fait, c'est moi qui suis à la base de cet agenda que je mets de manière hebdomadaire sur les réseaux et qui répertorie un petit peu tout ce qui se passe sur la scène électronique nantaise. Et quand c'est moi qui joue, je me prive pas. Je me mets un peu en avant. Avec les petits émojis. Ouais, l'émoji, oui. Pour dire que tu nous la mets à l'envers, voilà. Ouais. Nous, on s'est abonné à cette semaine pour avoir un agenda des soirées électroniques. Et en fait, on a le quotidien de Dimitri Sélectif. Attends, mais figure-toi qu'au début, moi, je m'étais dit, vas-y, on veut faire un truc exhaustif. J'ai pas envie de me mettre trop en avant et profiter de ce truc-là. Sauf que tout le monde me dit, t'es trop con, tu devrais en profiter. Il y a pas de souci, en fait. C'est chouette, ça vient prendre une place qui n'était pas ou plus occupé. Il y a eu Pulsomatic, il y a eu Grabuche qui a fait ça pendant longtemps, l'agenda, ouais. Mais c'était beaucoup plus vaste. C'était le théâtre, c'était plein de trucs, les concerts, machin. Et vraiment, un agenda des musiques électroniques, ça manquait. C'est un taf de ouf, j'imagine, de tout répertorier. Ouais, mais en fait, dans mon taf, mon vrai taf officiel, j'ai plus le temps. Donc, non, en vrai, ça me prend pas. Enfin, si, ça me prend du temps, mais c'est pas du temps que je prends sur mon temps libre. Sinon, je le ferai pas, vous démerderez. C'est mort, quoi. C'est trop cool. Il y a des dizaines et des dizaines de trucs. Vendredi, notamment, il y a plein de concurrence, il y a plein de soirées face à nous. Ouais, mais je crois que nous, c'est la mieux, je crois. J'ai regardé. Ouais. Franchement, je sais pas foufou ce qu'il y a à côté. Hein. Je crois que c'est incroyable. Que de la merde, il me semble. Ouais, grave. C'est pas vrai. Et il y a des petits podcasts. Du coup, cette semaine, vous avez aussi lancé une page SoundCloud. Bah ouais, tout à fait. En fait, on s'est dit, parce que maintenant, voilà, comme on disait tout à l'heure, on est deux et demi, parce qu'il y en a un aussi qui développe une appli en Soum-Soum, voir si on peut faire un truc un peu plus clean. Mais ouais, on s'était dit, en fait, nous, on a envie de parler, on a envie de relayer autre chose que juste ce week-end, il y a ça et ça. En fait, la scène nantaise, elle est tellement, dynamique et il y a tellement de trucs. Si c'est pas possible, il faut, au même titre que l'agenda regroupe un peu tout ce qui se passe dans les événements du week-end, il faut une plateforme où on puisse écouter un peu tout ce qui se passe sur la scène nantaise, quoi. Et vu que ça n'existait pas, en fait, on le fait modestement. C'est sur SoundCloud et voilà, et ça coûte rien à personne et voilà. Respect d'avoir eu cette pure idée et respect pour le pur taf toute la semaine. Franchement, c'est complet, c'est vraiment trop cool. Ça marche un petit peu. Il y a plein de fans là sur Facebook, Instagram et tout. Ça fait quoi, 6 mois, 1 an vraiment que ça a bien démarré. Sur Insta, ça fait avant l'été. J'ai lancé au début de l'été le compte Insta et là, on est presque à 3000 personnes qui suivent et sur Facebook. Waouh, j'en ai trop fait, ouais. Ouais, ouf. Et sur Facebook, il y a un peu plus de 5000, je crois que 5005, un truc comme ça. Mais ça reste modeste, mais c'est cool à l'échelle de Nantes, que ça veut dire que, en vrai, ça veut dire qu'il y a une vraie demande et que il y avait un trou, il manquait un truc pour, pour savoir quoi faire. Quoi. Cette semaine Nantes et 7, ça s'écrit comme un DJ 7 SE. Allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça, c'est un jeu de mots. Moi, j'adore. Ah ouais, j'avais pas compris. Oui. C'est comme un DJ set. Tout à fait, c'est ça. Tu me dis si j'en fais trop. T'en fais trop, ouais. 22h26, on reprend le quotidien. On est dans Boom Bomo. On est sur Prune 92 FM. Boom Bomo, musique française francophone. On fait un B2B qu'on n'est pas vraiment parce qu'en fait, il y a que toi qui joues. Je remettrai peut-être un track à la fin. Dimitri Sélectif dans Boom Bomo. Ça nous fait trop plaisir. On écoute un petit peu de ça. c'est de la sensation, c'est plus de l'information. C'est de la sensation, c'est plus de l'information. Ça permet de s'éclater, non? Thank you.

Il est strictement interdit de danser. Il est strictement interdit de draguer. Il est strictement interdit de crier. Et surtout, il est strictement interdit de danser, de draguer et de crier en même temps. On a fait des attention pourtant. Les meilleurs auditeurs de Prune et de Boombomo se seront rendus compte d'un truc, mais nous rien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, non. Peut-être qu'on s'est laissé surprendre par la fin du morceau et peut-être que je l'ai remis comme un sauvage 30 secondes avant la fin. Ôte-moi d'un doute, on joue à Macadam, on joue à 44 tours vendredi soir. Macadam, mais sur le toit, je crois. Non, mais là, Dimitri Sélectif, ta sélection, il y a un gros souci, mais c'était quoi ce dernier track incroyable et tous les autres d'avant en fait? Mais je sais pas en fait, je connais pas forcément les morceaux, je me rappelle même pas où je l'ai trouvé, mais ce que je te disais tout à l'heure, je l'avais, j'ai joué la face B parce que sur la face B il y a un remix hardstyle de Shanna. Et j'avais joué celui-là, et je sais plus quand ni où je l'avais joué, mais on m'avait dit « Ah putain, toi, t'as ça !» Et moi j'avais dit « D'où toi tu connais ce truc ?» Genre, il y a des gens qui connaissent ça et qui ont ça comme référence, mais non, je sais pas. Ça s'appelle Shanna, on va mettre la tracklist complète de demain, comme d'habitude sur le site de Prune. Non mais ce morceau est juste « What ?» Et la phase B est coquine aussi, hein. J'étais en train de te dire, du coup, au moment où on s'est rendu compte que c'était la fin du morceau, qu'il y avait un gros blanc antenne sur Prune. J'étais en train de te dire qu'un DJ qui me joue ce genre de truc-là en plein milieu d'un dance floor à 4h du mat, je deviens dingue. Ouais, bah c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Est-ce que c'est pas ce qui va se passer vendredi soir? Putain, mais j'allais dire. Aïe. Vas-y. Mais oui, c'est exactement le genre de situation qui peut arriver aux danseurs sur le dance floor de 44 tours vendredi soir. Mais bah voilà. Prenez vos précautions. Italo disco, new beat, euro house, Shanna. Et puis Shanna, du Shanna dans tous les sens. Moi, c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'être bien rentré dans les années 90, d'essayer de diguer plein de trucs un peu oubliés. 90, toi, t'es complètement dans les années 2000, t'as 10 ans d'avance sur moi, en fait. Pas complètement, mais du coup, oui, avec l'Eurodance, l'Eurohouse, c'est tout ce qui commence en euro, en fait. Tu peux largement... Euro 2000, voilà, j'étais sûr. Putain. Mais tu peux largement découvrir des trucs type Shanna. Et là, pour le coup, c'est 2007, donc c'est vraiment le moment où la tectonique débarque et on ressent un peu le grain électro... pourri, nul à chier. Est-ce que tu danseras la tectonique vendredi soir à 44 tours? Ah putain, moi je sais pas faire, mais j'ai des potes qui savent. Alors je peux les inviter. Est-ce que Jean-Paul Flag, il sait faire? Ouais, il fait partie des gars qui savent. C'est vrai. Est-ce qu'il sera là vendredi soir? Non, vendredi il sera pas là. Par contre, j'ai l'impression qu'on va se voir bientôt avec Jean-Paul Flag. Est-ce que j'ai pas fait une petite transition incroyable de vrai gars qui fait de la radio là? Jean-Paul Flag, Gritz, mercredi prochain, à chaque fois qu'on vous invite par deux, les toutous de Gritz de Granville, là, parce que vous êtes très nombreux. Ouais. Tu peux nous le présenter un petit peu? Jean-Paul Flag, eh ben écoute, je viens de fêter mes 20 ans d'amitié pure et profonde avec Jean-Paul Flag en septembre. C'est beau. On parle même plus de meilleur ami, on parle de double, on parle de moitié, on parle de... Même frère, ça suffit plus. Incroyable. Et je connais sa sélection, je connais ses goûts, et je pense que ça vaut le coup d'écouter son set la semaine prochaine. Ça sera son premier passage dans l'émission la semaine prochaine, tout droit venu de Granville, Jean-Paul Flack, juste après Dimitri Sélectif. Mais d'ici là, vendredi, je le répète pour la millième fois, on est à 44 tours, tous les deux en B2B, tu m'as mis un sacré coup de pression. Mmh. Moi, je t'ai laissé au tout début avec un track à 100 BPM, et là, je vais finir avec un track tout mou à 90 BPM. Je le joue à la mauvaise vitesse, c'est un 45 tours joué en 33, et je vais essayer de trouver mes disques les plus vitaminés pour rivaliser avec toi. Dimitri Sélectif, c'était chambé ton émission une fois de plus, c'est la troisième fois que tu passes, c'est la troisième fois que c'est mortel. Bah merci de m'inviter, c'est toujours autant un plaisir. On se revoit vite, ce petit accent marseillais me plaît beaucoup. Jonas, on attends, se retrouve attends, la semaine attends, prochaine, attends, ah ouais, pardon, il y a une casse-tête à faire. Bah oui, c'est l'anniversaire d'un des toutous de Grit. Oh, c'est l'anniversaire de DP, Dora Palmer, qui avait eu un passage. Qui avait lui aussi fait son émission. Tout à fait, un des plus gros toutous, si ce n'est le plus gros toutou de Grit. Bon anniversaire Dora Palmer. Des anniversaires. Cool. Mon DP. Bisous. On peut envoyer le son, Jonas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 44 tours, dès 20h. Aimé Jockey, B2B, Dimitri Sélectif, a.k.a. Masto, a.k.a. le grand machin. C'est vrai que t'es grand. T'inquiète. On va rehausser un peu les platines à 44 tours. Il était tout penché à prune. Bisous, Jonas. Ciao, les petits loups.